Il y a quelques mois, là, ça fait même pas 2 semaines. Vous n'avez pas vu deux criminels venir au nom de l'Union européenne visiter l'Union africaine, Monsieur Joseph Borrell et l'autre Tintin. Et qu'est-ce qu'il est venu vous dire? Ils ont laissé sur le plateau. Je pense que c'était vous qui faisiez l'émission. Je vous ai bien dit. Je vous ai bien dit les enjeux de cette visite. Je vous ai bien dit qu'ils sont venus se plaindre que la position de l'Afrique concernant la guerre en Ukraine ne les arrange pas. Et moi, je vous ai dit qu'ils vont poser des exigences sur la table en cachette à l'Union africaine. Si je paye ton salaire, c'est moi ton patron. C'est moi qui détermine l'ordre du jour de tes sommets. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les Africains, non? C'est quoi avec les Africains? L'Union africaine n'est pas une organisation africaine. Arrêtez de croire que c'est une annexe de l'Union européenne. Ce sont des traîtres. Ne rêvez pas. Il y a la telle commission, il y a un grand traître. Et le président africain joue ce jeu. Parce qu'eux-mêmes sont des marionnettes de l'Union européenne. Afrique Média, le monde, c'est nous.